« Mange, Michel, sinon tu ne vas pas mourir. » Et Michel Piccoli est mort, le 12 mai 2020, non pas d'avoir trop mangé, contrairement au personnage qu'il incarne dans La Grande Bouffe, à qui l'on prononce cette phrase qui colle la migraine, « Mange, Michel, sinon tu ne vas pas mourir. » Mais il est mort, tout simplement, mort d'avoir vécu, et de nous avoir fait vivre des choses que sans lui, on n'aurait peut-être jamais pensé, jamais ressenti, en tout cas, pas ressenti de la même façon. Michel Piccoli, 200 films plus tard, Godard, Louis Malle, Marco Ferreri, Claude Sautet, Bunel, Chabrol, Nanni Moretti et les autres, a quitté la vie sans quitter le cinéma. Et puisque ceux qui l'aiment le qualifient d'indéfinissable, puisqu'il défie toutes les catégories traditionnelles qui servent à désigner le jeu d'acteur, cette semaine, c'est lui qui va nous inviter à penser. J'ai eu un frère qui est né avant moi, qui est mort avant moi, et je suis né... parce que ce frère est mort, je le remplaçais, mais je n'en souffre pas. Pourquoi est-ce que tu ne m'aimes plus ? C'est la vie. Tout le personnage est dans cette espèce au bord de la catastrophe et de la faille sans arrêt. Et là, je dois dire que je nageais comme un poisson dans l'eau, dans ces méandres du personnage. Pourquoi est-ce que tu me méprises ? Ça, je te le dirai jamais. Je suis très troublé quand même, le fait que si ce frère n'était pas mort, je ne serais jamais né. Et il paraît qu'il était merveilleux, qu'il souffrait beaucoup, mais qu'il était toujours joyeux. Tandis que moi, je n'ai jamais souffert et je n'ai pas toujours été joyeux. Donc, je ne l'ai peut-être pas très bien remplacé. C'est très chouette. J'aime beaucoup le cinémascope. Il nous a dit un samedi, moi je tourne demain matin, mais ça sera suffisant parce qu'il faut que je prenne l'avion à midi. Tu pourras. Ah bon ? Et il m'a dit, et toi, tu fais quoi ? Et ben je dis, je crois que je sais pas, je vais aller visiter Pompéi. Et il me dit, tu préfères une ville morte à une femme vivante ? C'est un cri d'amour extraordinaire, non ? Un cri d'amour à l'amour, quoi. Alors je suis allé voir une femme vivante. J'ai abandonné Pompéi pour une femme vivante, sous les conseils très, très doux et très intelligents de Godard. Non, mais j'ai jamais pensé à ça, mais c'est magnifique d'entendre un film. Pas de le voir, de l'entendre. Bonjour Hélène Frappa. Bonjour. Bienvenue sur Les Chemins de la Philosophie, merci d'être avec nous ce matin. Depuis chez vous, vous venez d'entendre un mix d'archives avec la voix de Michel Piccoli réalisée par Nicolas Berger. On en apprend presque plus en 2 minutes sur Michel Piccoli qu'en une vie de spectateur, tant finalement le Piccoli acteur derrière les personnages, on le connaît assez mal, non ? Oui, le Piccoli acteur, on pourrait même dire le Piccoli film. Il y a certains acteurs que d'ailleurs je ne qualifierais pas d'acteurs, mais que je qualifierais, enfin je pense qu'on va y revenir, de monstres plutôt. Qui est une autre catégorie, on pourrait dire ontologiquement, qui a plus à voir avec le génie, qui était celui de Piccoli. Et ces acteurs-là, finalement, à travers, et même presque indépendamment des personnages qu'ils incarnent, et dont on se souvient pas tant que ça, on se souvient de cette sorte de cinéma permanent qu'ils dessinent, au point d'ailleurs, comme Michel Piccoli, de terminer, enfin, pas exactement terminer, mais dans un de ses derniers rôles, d'incarner le cinéma lui-même. C'est vrai qu'il y a tout dans ce montage d'archives et en particulier il y a le secret qui est dit et qui en même temps ne dit rien. Ce secret qui est celui de la gémellité sépulcrale, on pourrait dire, une histoire un peu à la Edgar Poe, c'est-à-dire ce frère mort qui a précédé Michel Piccoli et qui l'a hanté, qui l'a, alors il dit, cherché à remplacer. Moi je connais un seul autre exemple dans l'histoire du cinéma et c'est très étonnant parce que c'est un autre acteur, on pourrait dire, qui me fait énormément penser à Michel Piccoli, c'est Catherine Hepburn, je dis exprès un autre acteur. Comme disait Cary Grant, les acteurs sont des actrices, donc aussi bien on pourrait dire que les actrices sont des acteurs. Elle aurait adoré en tout cas, c'est sûr. Non, Catherine Hepburn, c'est une histoire fascinante qui est très méconnue et qui pour moi fait absolument écho à celle de Piccoli. Et il y a quelque chose qui les rapproche dans leur jeu. À 13 ans, Hepburn a découvert le cadavre de son frère qui s'était suicidé. Alors, dans la famille, on a dit que c'était pas exactement un suicide. Parce que, alors, la chose très troublante et absolument, folle de l'histoire, c'est que le père de famille, le père de Catherine Hepburn et de son frère leur avait appris un jeu qui consistait à s'étrangler, et il semblerait que son frère ait fait ce jeu et en soit mort. Donc c'était peut-être un suicide dont le metteur en scène aurait été le père lui-même. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que juste après, Catherine Hepburn a adopté la date de naissance de son frère. Donc elle n'a pas fait comme les actrices dont on dit parfois qu'elles se rajeunissent, elle s'est vieillie de 2 ans. Et elle est entrée, ça a été son premier rôle, littéralement, dans le corps de ce frère mort, qui pour moi revit à travers ce qu'on appelle généralement l'androgynie de Catherine Hepburn, comme si elle portait en elle ce jeune homme de 15 ans mort, absolument dans tous ses rôles, qui est là comme son double. Il y a quelque chose de ça, dans cette gémellité. On pourrait dire que comme acteur, Michel Piccoli, comme Catherine Hepburn, est né sous le signe des Gémeaux. Né sous le signe des Gémeaux, évidemment, je fais référence aux Demoiselles de Rochefort. Et il y a dans cette gémellité quelque chose qui est très troublant chez lui, qui est une dualité entre deux jeux, deux types d'interprétations qui sont apparemment sans contact, hein, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et qui vont décrire, osciller dans un mouvement. Est-ce que c'est un mouvement dialectique ou est-ce que c'est pas plutôt une sorte de mouvement de ressac, comme une vague qui se cognerait contre se briserait contre un rocher, qui va comme ça animer toute son œuvre d'acteur. Vous êtes Hélène Frappa, écrivaine et critique de cinéma. Qu'est-ce que ça change de réfléchir sur un film à partir d'un acteur? Parce qu'en tout cas, sur les chemins de la philosophie, on propose beaucoup de séries autour de la philosophie du cinéma, généralement autour d'un genre de film ou d'un cinéaste. Et c'est la première fois qu'on propose une série autour d'un acteur et ça semble absolument justifié dans le cas de Michel Piccoli. Qu'est-ce que ça change pour la réflexion, pour l'analyse du film, de partir du jeu d'acteur? Ça change tout. Hein. La question, votre question est absolument pertinente, cruciale. Moi, j'ai commencé, je suis entrée en écriture, disons, de cinéma par... Alors moi, j'étais très marquée par la Nouvelle Vague, notamment par Jacques Rivette, à qui j'ai consacré mon premier livre. Jacques Rivette, Secret compris, c'était son titre. Et c'est tout à fait d'ailleurs un titre qu'on pourrait appliquer à Michel Piccoli. On pourrait dire Michel Piccoli, Secret compris, c'était une expression de Jean Paulhan très ambiguë. Car elle signifie à la fois qu'il y aurait quelque chose de la compréhension du secret. Secret, c'est un mot que Piccoli a beaucoup employé. Et en même temps que le secret est compris, ça veut dire qu'il ne sera pas révélé. Il restera dans le livre, par exemple. Donc j'ai commencé à écrire complètement sous l'influence de la Nouvelle Vague, sur ceux qui pour moi étaient les vrais auteurs des films, c'est-à-dire les metteurs en scène. Hein, ce terme de mise en scène que Jacques Rivette vole au théâtre pour l'importer dans le cinéma. Quand, des années après, j'ai écrit un livre sur un acteur, en l'occurrence un acteur italien qui s'appelle Tony Servillo et qui a quelque chose de très analogue à Michel Piccoli, c'est-à-dire c'est dans ce livre moi que j'ai défini cette catégorie de monstre par opposition à celle de l'acteur. En effet, ça n'a rien à voir en fait, c'est vraiment penser le cinéma par ce qui ne peut pas être dit en fait, c'est-à-dire c'est écrire à partir du corps, c'est écrire à partir de tout ce qui échappe au langage. Il se trouve que dans cette catégorie de monstres, moi je me disais qu'il y avait, en voyant les films de Tony Servillo, je voyais de la même manière, il y avait toute une œuvre en fait, que parallèlement, on pourrait dire souterrainement, il y avait un cheminement de cet acteur, Servillo comme Piccoli, qui pas du tout par hasard d'ailleurs, interprétait souvent le double même de l'auteur. Hein, Piccoli, il l'a dit, il l'a revendiqué, les metteurs en scène eux-mêmes l'ont dit, et même quand ils ne l'ont pas dit, comme Jacques Rivette dans La Belle Noiseuse, on voit bien que son rôle dans La Belle Noiseuse, c'est le rôle en tant que peintre du double du cinéaste. Donc il a beaucoup joué le... C'est le cas dans le film dont on parle aujourd'hui, en tout cas. Le Mépris de Godard, c'est qu'il y a clairement un jeu de double dont on parlera. Il y a un jeu de double et il y a ce jeu, je parlais de gémilité, de se glisser comme Hepburn dans le corps de l'autre, cet autre étant ce frère, pour le coup mort, étant le cinéaste lui-même, puisque dans Le Mépris, en effet, Godard lui donne son costume et lui donne même ses chaussettes. Il a les chaussettes de Godard, donc c'est dire à quel point... C'est très important, les chaussettes, c'est pas du tout anecdotique, parce que c'est les pieds, c'est le corps de la tête aux pieds. Alors la tête, c'est le chapeau, et puis les chaussettes, voilà. Donc il y a tout ce corps qui est... Il y a quelque chose d'être un double au sens d'une sorte de momie, oui. De faire vivre un mort voilà, dans son corps. Donc le monstre par opposition, je veux dire, à l'acteur... L'acteur, on sait ce que c'est. Un acteur, c'est quelqu'un, généralement, les spectateurs, parlent beaucoup d'identification. Je me suis identifié à tel acteur, l'acteur s'identifie à son personnage. Et quand on pense à des acteurs, des grands acteurs, il y en a plein, on pense généralement aux personnages qu'ils ont interprétés. Le monstre, terme évidemment que je n'emploie absolument pas dans un sens moral, c'est celui qui, pour employer des catégories philosophiques qui sont celles d'Emmanuel Kant, c'est l'opposition entre le talent et le génie, en fait. Le talent, On peut l'imiter, on peut l'apprendre, on peut le transmettre, dit Kant. En revanche, le génie n'est pas imitable, il est incomparable, on ne peut pas le transmettre. On ne peut pas le transmettre parce que le génie lui-même, celui qui est habité par ce génie même, serait incapable d'en donner les règles. C'est du côté du sublime plutôt que du beau. C'est tout ce que je décris là, pour moi, c'est la forme même de génie de Michel Piccoli. On ne peut pas dire s'il est beau ou laid, on ne peut pas dire... Il est toujours dans quelque chose qui est à la fois, on pourrait dire, surhumain, et en même temps qui est l'humanité, la finitude même, qui est cette difficulté à dire, ce rapport au secret qui est très fort. Il a dit, Michel Piccoli, pour décrire ce qu'il faisait, qu'il était à la fois un acteur muet, mais qu'est-ce que c'est un acteur muet ? C'est celui qui est capable de deviner le secret du réalisateur, du cinéaste. On va l'écouter, si vous voulez bien. Écoutons-le. On peut dire que je sais jouer la comédie, mais oui, ça ne me suffit pas. Mm. Alors, j'essaye, par cette popote, justement, je fais des gammes aussi. Mm. Je fais des gammes. Peut-être que je suis plus observateur qu'acteur, maintenant. Mm. Peut-être que je regarde plus comment le metteur en scène travaille, je regarde plus comment mes partenaires travaillent. Je veux dire que... Qu'est-ce qui m'apportera le plus cette année-là ? Est-ce que ça sera Deville ? Est-ce que ça sera Carax ? Est-ce que ça sera Doyon ? Je n'en sais rien. Oui, j'apprends. Je ne sais pas ce que j'apprends. Ne pas sombrer dans une sorte de végétariat ou de confort ou de routine. Je veux tout le temps retourner à l'école pour apprendre ce que c'est que ce métier d'acteur. Voilà. Moravia. Il y a Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Il y a aussi Jacques Palance et Georges Lamolle. Et Fritz Lang. Les prises de vue sont de Raoul Coutard. Georges Delerue a écrit la musique. Et le son a été enregistré par William Sivel. Le montage est d'Agnès Guillemot. Philippe Dussart s'est occupé de la régie avec Carlo Lastricati. C'est un film de Jean-Luc Godard. Il est tourné en scope et tiré en couleur par GTC à Joinville. Il a été produit par Georges de Beauregard et Carlo Ponti pour les sociétés Rome Paris Film, Concordia, Compagnia Cinematographica Champion à Rome. Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Et l'histoire de ce monde. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Michel Piccoli est à l'honneur cette semaine. Nous allons parler de son jeu d'acteur, des films dans lesquels il a joué. Et aujourd'hui, Le Mépris, en compagnie de la critique de cinéma Hélène Frappa. Alors c'est parfait de commencer cette semaine avec Le Mépris, parce que non seulement c'est le film qui a fait connaître Michel Piccoli au grand public français, il avait déjà joué avant mais on le connaissait moins, mais surtout c'est un film donc de Jean-Luc Godard qui date de 1963, qui s'assume comme film, et c'est sans doute la première fois qu'au cinéma, dès le générique que vous venez d'entendre, eh bien les artifices du cinéma sont dévoilés, le générique est dit, il n'est pas simplement écrit, si bien que lorsque Piccoli dit que plus il devient acteur, plus il devient spectateur et observateur, au fond il ne croit pas si bien dire, c'est nous-mêmes spectateurs qui assistons à un film qui se montre comme tel et à un début d'acteur qui va devenir très célèbre. Oui, en même temps c'est du faux cinéma vérité, c'est-à-dire que dès le début il y a une manipulation, il y a artifice, c'est-à-dire c'est le cinéma même. Par exemple, la citation d'André Bazin n'a jamais existé. Ce n'est pas, cette citation est absolument inventée par Jean-Luc Godard. Alors il dit, ouais, le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Le mépris est l'histoire de ce monde. Vous dites en fait c'est faux, c'est Godard qui l'a inventé. Ah oui. Moi je me souviens d'avoir vu adolescente Le Mépris et d'avoir recopié, fait fiévreusement dans la salle de cinéma obscure cette citation et de me l'être récité religieusement pendant des années, et puis des décennies après, j'ai appris qu'elle était, elle était absolument fausse, cette citation. C'était bon. On n'est jamais tranquille quand on regarde un film de Godard. On ne sait jamais à qui il s'adresse vraiment et pour qui il nous prend. donc voilà, il y a ce jeu, en effet. Mais ce qui est très important, effectivement, c'est cette position d'observateur, hein, disait Piccoli. C'est-à-dire que Godard délègue explicitement à Michel Piccoli, dans ce film, son propre rôle d'observateur et son propre rôle aussi bien de mari, alors dans la vie d'Anna Karina. Anna Karina dira d'ailleurs que pendant le tournage, elle n'était pas très loin du tournage, et s'engueulait beaucoup avec Godard, et elle a retrouvé absolument littéralement mot pour mot dans toutes les scènes, particulièrement la scène très célèbre d'engueulade dans la salle de bain, mm-hmm. mot pour mot, tout ce qui avait été leur dispute, etc. Donc il y a quelque chose, en effet, d'une forme de on pourrait dire d'autoportrait, mais un autoportrait qui est extrêmement abstrait. Je pense que le génie de Piccoli, ça a été, on pourrait dire, moi je finis par me dire schématiquement qu'il existe quand même deux formes d'art. Alors aussi bien, ça vaut aussi bien pour la littérature que pour la peinture sans doute, et que pour le cinéma. Une forme d'art qu'on pourrait dire impersonnelle et une forme d'art qu'on pourrait dire personnelle. Le Piccoli, le génie de Piccoli, c'est le génie impersonnel. Hein, c'est-à-dire, c'est le génie de celui qui ne croit pas à la présence de l'acteur dans le film, ou du moins, pour reprendre une lettre que Fritz Lang, dont on va parler, qui est à la fois qui joue son propre rôle, mais oui. lui-même complètement manipulé par Godard pour incarner symboliquement une certaine essence du cinéma, disons. Après avoir vu Le Mépris, Fritz Lang a écrit une longue lettre à Michel Piccoli pour lui témoigner son admiration. Et il lui écrit « Je sentais toujours que ce n'était pas un acteur jouant un rôle, mais que c'était un homme vivant, cherchant sa vocation, son âme véritable et souffrant. » Donc il reconnaît déjà, Fritz Lang, dans Le génie de Piccoli, le fait que ce n'est pas un acteur jouant un rôle, exactement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, Hélène Frappa? Comment peut-on jouer autrement qu'en étant un acteur jouant un rôle? C'est tout le mystère, tout le secret de ce que j'appelais le monstre. Hein. C'est être dépassé par quelque chose, sans doute une machine, pour employer un terme rossellinien, la machine cinéma qui est là, qui traverse absolument tous les rôles de Michel Piccoli et qui peut s'incarner à travers, par exemple, le fait qu'il joue à la fois ce rôle de Paul, alors qui est Paul? Paul, c'est un auteur de romans noirs dont on devine qu'ils ne doivent pas être très bons, de même que le roman de Moravia, qui s'appelle Le Mépris, que Godard a adapté, dont il a fait le scénario de son film. Il a toujours dit qu'on faisait des meilleurs films avec des mauvais romans, donc c'est pas un très très bon roman, d'après Godard en tout cas. C'est un homme qui est marié, qui vient d'avoir un succès, disons, assez rapide, hein, dont qui est dans une autre vie récente, a été plutôt fauché, qui est marié à une femme absolument sublime, donc interprétée par Brigitte Bardot, ancienne petite sténodactylo, et qui se retrouve projeté sur un tournage hollywoodien, donc avec soudain beaucoup d'argent, etc. Donc ça, c'est le personnage, on pourrait dire. Le personnage, en réalité, il se résume dans Le Mépris, au mystère même du film, qui tient dans son titre, hein, Le Mépris, qui tient à cette abstraction qui est à la fois une querelle de couple, on pourrait dire vraiment une engueulade de couple, hein, presque un film, un scénario de boulevard, hein, qui est un homme... finalement jette sa femme, on pourrait dire littéralement un homme prostitue sa femme pour sa propre carrière, parce que c'est ça que ça raconte Le Mépris, ça raconte l'histoire d'un homme qui par arrivisme, carriérisme, a une femme, alors on dirait, si on pour employer un terme américain qui n'est pas de l'époque du Mépris, il a une femme trophée, très belle, en tout cas cette femme devient une femme trophée, et il va la jeter dans les bras d'un producteur assez bestial, qui est filmé explicitement par Godard comme une sorte de figure un peu nazie. Enfin, il lui met une citation nazie dans la bouche. Et cette femme, comprenant que son mari est prêt à la sacrifier pour sa carrière, va instantanément le mépriser et cesser de l'aimer. Donc le film raconte finalement cette histoire qui, telle que je la résume là, a l'air d'une histoire un peu... cliché, une histoire de jalousie, une histoire dramatique. Ouais, mais on le voit pas comme ça quand on regarde Absolument. Le film. Mais je dois dire, je l'ai revu hier justement, et quand je vous entends en parler, je me dis mais oui c'est ça. Mais moi en le regardant, j'ai eu un doute tout le long du film, voilà. En me disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que lui vraiment, est-ce que c'était intentionnel quand il laisse sa femme aller dans la voiture du producteur? Est-ce qu'il a la tête ailleurs? Est-ce qu'il a une autre idée en tête? J'étais pas aussi catégorique que vous en le regardant le film. Alors, et c'est ça qui me plaisait justement. Moi, c'est vrai que je n'ai cessé en voyant, revoyant ce film. Je trouve que c'est un film très intéressant du point de vue du personnage de Bardot et de la relation de couple. parce que c'est un film sur une relation, on pourrait dire, absolument misogyne. Hein, c'est quand même un homme qui traite sa femme. Ça, c'est indéniable. Voilà, comme une merde, pour le dire tout à fait littéralement. Hein, il la gifle, il est violent. Il est violent en parole, il l'humilie. Hein, c'est une relation d'humiliation, de domination. Mais le film n'est pas misogyne du tout. On pourrait même dire, hein, pour employer un terme maintenant enfin contemporain, que c'est un film qui est absolument féministe de ce point de vue-là, puisque celle qui, même si à la fin, bon, elle meurt, alors elle meurt comme la mère de Godard est morte, par ailleurs, dans un accident de voiture, donc il y a quelque chose d'assez bouleversant, d'ailleurs, dans cette mort qu'il donne au personnage féminin, mais elle garde la tête haute, hein, c'est-à-dire qu'elle... Elle se sort de... Bah, c'est elle qui tient les ficelles, en fait, finalement. C'est elle qui décide du sort de leur relation. Plus que lui, c'est elle qui décide de partir. Oui, elle décide de partir. En même temps, du sort de leur relation, elle l'aimait, peut-être qu'elle n'aurait pas voulu partir. Mais en effet, à partir du moment où elle le méprise, l'amour n'est plus possible. Alors qu'on sent bien que pour lui, il incarne, pour le dire en un mot, c'est un personnage, ce personnage de Paul, de cet écrivain un peu raté, il y a une veulerie hein, chez cet homme. Aussi bien d'ailleurs dans les relations qu'il a avec son producteur. Ce qui est passionnant dans le film, c'est que c'est un couple qui ne marche pas, pour le dire en un mot, ça ne marche pas. Ils s'engueulent, il y a quelque chose entre eux qui ne fonctionne pas et ça aboutit à une séparation qui va prendre une tonalité tragique avec la mort. Enfin, tragique d'ailleurs, Paul à la fin n'a pas l'air particulièrement bouleversé, mais il reste comme ça, absolument impavide pendant tout le film. Mais ce qui est magnifique, et c'est vraiment l'idée géniale de Godard, c'est que plutôt que d'en faire une histoire psychologique, il est clair qu'il n'y a absolument aucune psychologie dans toute cette histoire, sinon celle très simple hein, qu'on vient de résumer. Il incarne cette impossibilité du couple à travers deux formes de jeu qui sont littéralement incompatibles, qui sont donc le jeu d'une part de Brigitte Bardot et celui de Michel Piccoli. Pour résumer, je dirais que on a dans le film, d'un côté, un animal, quelqu'un qui joue comme un animal. C'est l'une des plus belles formes de jeu, le jeu de l'animalité. Hein. C'est le jeu américain, on pourrait dire. C'est le jeu physique. C'est le jeu de Jack Palance, aussi bien, qui est un ancien boxeur et qui joue comme un ancien boxeur. Et puis, c'est le jeu de Bardot, qui, littéralement, dans sa vie, a rejoint les animaux, mais qui n'a jamais cessé d'être du côté de l'animal. On peut dire que, bon, alors, l'une des phrases les plus démentes qu'elle ait prononcées au cours de sa carrière, c'est la fameuse phrase... Quel cornichon, ce lapin qui, dans la bouche de Bardot, prend, je dirais, une abstraction totale. Bon, c'est pas dans le mépris, mais là, elle a quelque chose du fauve. Elle est une sorte de panthère. Et en face d'elle, elle a son mari, Michel Piccoli, qui, lui, a un jeu qui est entièrement minéral. On peut dire que dans le mépris, Michel Piccoli joue comme une montagne, joue comme un rocher, joue comme un caillou même. Si on... Et je suis très frappée des scènes dans la villa Malaparte à Capri. Dans le salon qui est, déchiré, on pourrait dire, par l'irruption, par ces énormes vitres, hein, l'irruption des falaises hein, minérales déchiquetées de Capri. Capri qui est un personnage, oui, dans le film, mais qui est un paysage d'une extrême violence. Et cette minéralité du paysage, elle est aussi bien celle de Michel Piccoli. Elle est d'ailleurs aussi bien celle de Fritz Lang. Et on pourrait dire que c'est l'histoire d'une erreur de couple, qui est d'ailleurs une histoire assez humaine. Hein. Ça arrive souvent que les gens se trompent. Et surtout dans le cinéma de Godard, d'ailleurs. Voilà, mais c'est aussi bien l'histoire de... J'en reviendrai toujours à cette bonne vieille question de la finitude. C'est-à-dire, il y a un truc qui marche pas, il y a un truc qui cloche. Bon, alors, on peut le voir dans l'amour. Là, il y a un truc qui cloche. C'est-à-dire que finalement, ceux qui devraient être ensemble, c'est plutôt Bardot et Palance. Et l'autre couple minéral, c'est Fritz Lang et Piccoli, dans le film. Bon, on va retrouver Bardot et Piccoli au début du film, quand l'amour est encore là. Et le désir, surtout. À l'époque, quand on pense que Bardot était le sex-symbole, comme on dit, mondial, jouer à côté d'elle et passer une heure et demie à se faire refuser un baiser sur la bouche par Brigitte Bardot, ça peut vous tuer la carrière sexuelle d'un comédien ou de n'importe quel homme bien constitué. Mais heureusement, il y a autre chose dans le cinéma que les baisers sur la bouche ridicules. Je dis ça parce que quand le producteur, M. Levine, a vu le film, il ne comprenait rien, bien sûr, et surtout, il ne comprenait pas qu'il n'y ait pas de scène d'amour. Avec Brigitte Bardot, pas une scène d'amour, c'était inadmissible. Alors, Godard était en relation téléphonique ou télégramme avec l'Amérique. Il disait, oui, il va y avoir des baisers, il va y avoir des baisers. Mais il y aura des baisers. Yes, il y aura des baisers. Fine, great. Alors il s'est décidé à tourner une scène de baiser. Et au lieu de tourner une scène de baiser, qu'on a tourné après quand le film était fini, il a tourné une des scènes d'amour et une des scènes érotiques secrètes les plus belles qui existent. Et au lieu de me demander d'embrasser Brigitte Bardot sur la bouche, elle était allongée sur un lit, nue, à plat ventre, et elle me disait « Tu aimes mes pieds ? Oui. Tu aimes mes jambes ? Oui. Tu aimes mes genoux ? Oui. Tu aimes mon cul ? Oui. Tu aimes ma tête ? Oui. » Tu vois mes pieds dans la glace ? Oui. Tu les trouves jolis ? Oui. Très. Et mes chevilles, tu les aimes ? Oui. Tu les aimes mes genoux aussi ? Oui, j'aime beaucoup tes genoux. Et mes cuisses. Aussi. Tu vois mon derrière dans la glace? Oui. Tu les trouves jolies, mes fesses? Oui, très. Ça va. Et mes soeurs, tu les aimes? Oui, énormément. Doucement, toi, pas si fort. Bien sûr, il y a la musique de Georges Delerue dont les quelques mesures brisent le cœur instantanément et en tout cas invitent à des tourments sans fond et vertigineux. Mais il y a sans doute aussi autre chose, Hélène Frappa. Comment expliquez-vous que cette scène soit devenue culte à ce point ? Est-ce parce que c'est, comme vous le laissiez entendre, la rencontre entre un rocher et une panthère ? C'est la panthère qui grimpe sur le rocher. Non, en fait, ce que je trouve, ce qui est sublime dans cette scène, c'est que, comme je disais tout à l'heure, la citation de Bazin, elle n'existe pas. Quand Godard n'a cessé de se défendre, en tout cas de ramener l'histoire du fait qu'on l'aurait obligé à tourner une scène de baiser, une scène de sexe, en fait, et que le producteur qui l'aurait cédé, contraint au producteur. Bon, moi, j'ai jamais cru, évidemment, à cette histoire. Je pense que ce qu'on voit dans cette scène-là, et c'est ça qui est absolument inouï, c'est que tout le secret même du cinéma est dévoilé. C'est quoi le secret du cinéma ? Ça tient en un mot. Le cinéma, c'est toujours pornographique. Tout film est un film pornographique. Le ressort même du cinéma, le ressort même pour un spectateur d'aller voir un film, on va au cinéma pour bander, on va pas au cinéma pour réfléchir, on va pas. C'est ça, la fonction même du cinéma. Celui, évidemment, qui l'a le mieux compris, c'était Alfred Hitchcock. Et il y a quelque chose d'absolument hitchcockien dans cette séquence-là, dans le morcellement du corps, le fait de découper en morceaux comme ça le corps d'une femme. Et en même temps, il y a quelque chose qui n'est pas du tout hitchcockien. Je pense à un film comme Vertigo, par exemple, qui est cette manière de c'est la musique qui réunit tout. Alors, tout est dit, le fait que le cinéma est toujours un regard, l'effraction d'un regard. Voir un film, c'est toujours regarder par le trou de la serrure une image qui en soi est interdite. C'est dans ce sens-là que je parle de cinéma pornographique. Et là, justement, ce qui est extraordinaire, c'est que même dans une scène qui est une scène de sexe absolument montrée sans l'être du tout, le personnage interprété par Michel Piccoli est encore quelqu'un qui regarde, encore quelqu'un qui est un voyeur, en fait, qui a ce rôle hitchcockien de regarder le reflet même. Et elle l'invite à le faire, même elle a scruté, elle lui demande, absolument. Elle passe en revue chaque partie de son corps pour lui demander si elle lui plaît. Voilà, et elle lui demande, elle ne lui demande pas de regarder ses fesses, elle lui demande de regarder ses fesses dans le miroir, elle lui demande de regarder ses fesses sur l'écran. Et c'est ça qui est inouï, en fait, dans cette scène. D'arriver à la fois à faire vivre, sur le plan de l'émotion du spectateur, l'émotion extrême du spectateur, hein, y compris de la tension, disons, érotique, la tension sexuelle. Hein. Et comme vous le dites très justement à propos de la musique, ça brise le cœur. C'est très beau comme expression. Effectivement, il y a quelque chose à la fois de totalement lyrique et en même temps de complètement pornographique. Et c'est pas dialectique, hein, il arrive à faire les deux en même temps. Voilà, et c'est ça qui reste. Du mépris. Et il faut aussi imaginer que cette scène est teintée d'une couleur très étrange. On est comme dans une chambre noire qui serait teintée de rouge. On n'est pas bien sûr d'apercevoir le contour des corps, comme s'il y avait cet effort de déréalisation. Ils sont à la fois absolument devant nous, ces corps, et en même temps, on a l'impression qu'ils nous échappent, qu'il y a des couches entre eux et nous, ce qui rend encore plus palpable la tension physique, car c'est vrai, ils ne s'embrassent à aucun moment. Et pourtant, il est indubitable que c'est une scène de sexe et il se passe quelque chose de très fort qui nous attire vers l'écran sans qu'on puisse le toucher, tout comme sans doute ces deux corps devant nous qui s'attirent et ne vont pas s'embrasser. Oui. Et alors la lumière, c'est sans doute la comment dire, c'est le prolongement de la chambre d'hôtel de Vertigo où James Stewart retrouvant Kim Novak va, enfin il y a cette scène inouïe donc qui est entièrement baignée dans la lumière verte de la lumière verte donc spectrale, enfin sépulcrale plutôt morbide de l'hôtel à côté, et donc il va demander à Kim Novak à ce moment-là de faire un chignon. Elle rentre dans la salle de bain, elle revient et là on comprend qu'il est en train de coucher avec une morte, et en même temps rien n'est dit, elle est habillée, il est habillé, etc. Et c'est exactement cette leçon hitchcockienne là, cette leçon de montrer, c'est quoi la pornographie là-dedans? C'est de montrer le ressort même de l'art. C'est ça ce que j'appelais l'art impersonnel. C'est-à-dire, finalement, de dépasser complètement ce qui est le plot, hein, le MacGuffin, disait Hitchcock. Mmh. C'est-à-dire l'histoire que le film raconte. De le dépasser et en même temps d'y croire, hein, de laisser au spectateur cette espèce de joie absolument, la joie du bébé. Hitchcock disait, et de ce point de vue-là, c'est exactement la leçon qu'on retrouve dans Le Mépris, qu'il avait beaucoup observé comment les mères se comportaient avec leur bébé, qui à la fois pouvait leur faire peur, et il y avait cette espèce de moment de... elle faisait bouh, le bébé avait peur, et ensuite, deux secondes après, riait. Il disait, je veux mettre le spectateur exactement dans cet état-là. Au début du Mépris, on est exactement dans cet état-là, de quelque chose d'absolument organique. Et en même temps, il y a cette lumière, en effet, très étrange, qui est la lumière de la mort, qui est celle dont de la mort ou de l'artifice, c'est la même chose, hein, dont Godard a toujours dit qu'elle était intercalée entre chaque image du cinéma, qu'il y avait un noir à chaque fois, et que ce noir, c'était quelque chose du côté de l'au-delà. Donc on est dans un au-delà pornographique, c'est-à-dire on est pour un vrai cinéphile, on est dans l'orgasme total du cinéphile, on peut dire ça, oui. Je ne me suis pas présenté, Paul Javal. Monsieur Procoche, vous avez dit... C'est bien. C'est très chouette. J'aime beaucoup le cinémascope. Oh, ce n'est pas fait pour des hommes. C'est fait pour les serpents, pour les enterrements. That's what I think of that stuff up there, Fritz. Would you like to rewrite it, Jerry? You've cheated me, Fritz. That's not what is in that script. It is! Oh, non! Get the script, Francesca. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle Bellini? Ils se disputent pour les scénarios? Yes, it's in the script. But that's not what you have on that screen. Naturally, because in the script it is written. And on the screen it's pictures. Motion picture, it's called. Ah, il dit que c'est pas la même chose quand c'est filmé que quand c'est écrit. Jerry! Finally, you get the feel of Greek culture. Je viens rendez-vous avec ma femme, je vois s'il est là. Stay right there. Whenever I hear the word culture, I bring out my checkbook. Come here. Some horrible years ago, les Hitlériens disaient revolver au lieu de carnet de chèque. I wanted you to know, yes or no, if you're going to rewrite that stuff. Est-ce que vous allez accepter le travail, oui ou non? Alors je vous laisserai décrire, Hélène Frappa, ce qu'on vient de voir par le son, parce qu'il nous manque un élément pour comprendre le caractère cocasse de ces dernières secondes. Mais si Godard filme mieux que personne, sans doute, l'incommunicabilité entre les êtres, en tout cas au sein d'un couple, hein, c'est la première phrase de Masculin-Féminin, jamais deux regards ensemble, eh bien il semble que cette absence de communication ici en tout cas dans ce film, est contagieuse et qu'aucun des personnages ne se comprend vraiment. On a ce personnage de la traductrice qui tente de passer de l'anglais au français, du français à l'italien et dans tous les sens. Et finalement, que ce soit le producteur Jérémy Procoche ou Fritz Lang qui est en train de réaliser un film, donc une adaptation d'Ulysse, et le personnage joué par Michel Piccoli, au fond, chacun y trouve leur intérêt, mais on a l'impression vraiment qu'ils ne parlent pas la même langue, indépendamment même de leurs différentes nationalités. Oui, c'est-à-dire, il n'y a pas de rapport sexuel. Ça ne veut pas dire que les gens ne couchent pas les uns avec les autres, au contraire. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport, littéralement, au sens où le langage ne communique pas. Enfin, la communication, ça existe, mais ce n'est pas la même chose que le langage. Et c'est aussi ce que raconte, en effet, le film. Mais en même temps, ce qui est avec beaucoup de choses trappe, hein, parce que là, on a, en effet... ce moment où le producteur écrit sur le corps de sa secrétaire avec toute cette manière de mettre en scène, hein, l'humiliation, la prostitution, on pourrait dire, hein, alors Rivette disait la crapulerie qui fait partie du cinéma, qui fait partie de l'argent qui circule du cinéma, qui fait partie des rapports d'humiliation, qui fait partie aussi de la manière dont les femmes sont traitées historiquement dans le cinéma comme des objets. Et puis on a donc cette présence de Fritz Lang en même temps qui est là comme un mythe, parce que bon, Fritz Lang là, il est fait allusion au nazisme, il est fait allusion donc aussi à cet épisode qui fait que Fritz Lang a quitté précipitamment l'Allemagne après avoir reçu une proposition des nazis de diriger les studios de cinéma allemand. Il s'est enfui une nuit en train, raconte-t-il. C'est une légende, hein. C'est-à-dire que bon, incontestablement Fritz Lang n'était pas nazi, néanmoins il a ajouté quelque chose à la légende. Et cette figure de Fritz Lang, qui est sans doute le plus grand génie européen, qui d'ailleurs a continué ensuite dans les films qu'il a fait à Hollywood, c'est une figure extrêmement complexe, pleine de secrets. Hein, on ne sait peu, par exemple, que Fritz Lang aurait probablement tué sa première femme, que bon, il a réussi à échapper, ça c'est dans le vrai Fritz Lang, je veux dire. Comment dire, meurtre qui n'a cessé d'être raconté à travers tous ses films, etc. Donc cette figure dans le mépris, finalement, elle est à la fois lacunaire, elle est très ambiguë. Elle incarne en même temps le vieil Hollywood qui est en train de mourir. Hein. 63, c'est le moment où les plus grands cinéastes de la génération de Fritz Lang vont peu à peu arrêter de tourner, soit parce qu'ils en sont empêchés, on ne produit plus leurs films, soit parce que c'est le moment où la télévision commence à remplacer les grands films hollywoodiens, les grands studios hollywoodiens. Donc c'est un moment de basculement, hein, et donc il est Homère dans ce sens-là, finalement. L'Odyssée, parce que justement, c'est une manière de faire jouer à Fritz Lang ce rôle comme ça, homérique, de lui faire jouer une Odyssée morale. Godard disait, l'Odyssée elle-même n'est pas une Odyssée morale, c'est une Odyssée physique, c'est un voyage, mais j'ai voulu retourner ma propre Odyssée. Alors Godard disait, c'est une Odyssée aristotélicienne, par là il entendait l'idée que ce film, pour lui, Le Mépris, est un film débarrassé de tout mystère, que tout est complètement mis à plat. C'est ce qu'on est en train de dire, hein. C'est-à-dire que La citation de Godard, un film simple sans mystère, film aristotélicien, débarrassé des apparences, Le Mépris prouve en 149 plans que dans le cinéma, comme dans la vie, il n'y a rien de secret, rien à élucider, il n'y a qu'à vivre et à filmer. Voilà, alors ce qui est très beau, c'est que c'est entièrement vrai et c'est entièrement faux en même temps. C'est entièrement vrai parce qu'en effet, il n'y a pas de. C'est un film débarrassé des apparences au sens où c'est ce qu'on dit depuis le début et c'est en cela que c'est si difficile d'en parler. C'est un film littéral, Le Mépris. C'est-à-dire qu'en effet, quand on lui demande de montrer Bardot nu, il montre Bardot nu et il montre ce que c'est, quel est le ressort de la pornographie, c'est-à-dire la manière de découper un corps en morceaux et d'avoir comme ça un régime de désir. Avec la caméra, hein, je précise. Exactement. Oui. Oui, mais derrière ça, il y a un meurtre. Parce que vous avez fait la comparaison avec Hitchcock, mais on découpe pas vraiment le corps de la femme. Là. Hitchcock disait embrasser et tuer, c'est la même chose. Hein. Et donc, il y a quelque chose. Et ce regard prédateur, hein, c'est aussi bien un regard violeur, c'est aussi bien un regard assassin. C'est pour ça que je faisais référence à la première femme de Fritz Lang, qui est sans doute celui qui aura le plus, d'ailleurs, filmé ses rapports, particulièrement dans ses œuvres américaines, ses rapports de domination et de violence entre les hommes et les femmes. Donc tout est mis à plat. Tout est, comment dirais-je, sous nos yeux, exactement comme les grandes roches déchiquetées de Capri sont sous nos yeux, exactement comme cette Villa Malaparte, à la fois sublime et complètement terrifiante, à la fois somptueuse et totalement inhabitable, et absolument sous nos yeux. Et en même temps, le secret Et là, le secret est entier. Et Piccoli n'a cessé de répéter, d'ailleurs, sans cesse, durant toute son œuvre, qu'il était le porteur du secret du cinéaste. Dans des entretiens qu'il avait donnés à Laura Adler, qui ont été rediffusés récemment dans À Voix Nue, il disait qu'il était simplement le diseur ou le haut-parleur d'un texte. Mais que pour faire ça, il fallait être capable de découvrir le secret profond du créateur, ce qui impliquait d'oublier qu'il était acteur. Donc on a cette tension, c'est cette tension-là qui est entièrement sous nos yeux, à travers aussi bien, des formes du cinéma qui s'opposent, mais qui arrivent à peu près à coexister. Je pense par exemple à la voix de Bardot, qui est la voix même de l'artifice, mais qui nous montre l'une des modalités même du cinéma, qui est l'artifice, qui est la perruque, qui est le maquillage, qui est le faux, qui est faire du vrai avec du faux. Dans le fond, je joue un peu Godard dans le film. Godard n'est pas le personnage lâche que je joue dans le film, mais il a peur, il hait la lâcheté que pourrait avoir tout artiste. Alors je jouais Godard, mais Godard pour exorciser la mauvaise pente, le mauvais jeu, le mauvais comportement, les mauvaises pensées. En fait, je jouais Godard, mais je jouais le contraire de Godard. Pourquoi est-ce que tu ne m'aimes plus ? C'est la vie. Pourquoi est-ce que tu me méprises ? Ça, je te le dirai jamais, même si je devais mourir. Dis-le moi ou je te fais mal ? Mais pourquoi tu veux me faire mal en plus ? Parce que je ne sais pas pourquoi tu me méprises. C'est insensé tout de même. Je ne sais pas pourquoi tu veux que j'accepte quand même. Parce qu'on a besoin de cet argent pour payer l'appartement. Je tiens pas à recommencer à t'activer. Je vais pas accepter après ce qui s'est passé. Évidemment, alors tu me méprises. Il y a 5 minutes, je savais que j'avais embrassé ce qui plaît, t'étais prêt à changer d'avis quand même. Si j'ai refusé ce travail, c'est pour toi. C'est à cause de toi pour que tu changes d'avis sur moi. Ne me touche pas. Je ne t'aime plus. Il est impossible que je t'aime de nouveau. Même si je refuse, tu continueras de me mépriser ? Oui, je continuerai. Pourquoi ? Dis-moi pourquoi, Camille, il y a bien une raison. La raison, c'est toi. Comment, moi ? Je sais pas, moi. Tu es pas un homme. De toute façon, c'est trop tard. J'ai changé d'avis sur toi. Je sais pourquoi tu me méprises. Avant-hier, quand tu es venu me chercher, que j'ai pris le taxi, tu as cru que je faisais exprès de te laisser partir dans sa voiture ? Hein ? Et tout à l'heure, tu as pensé la même chose sur le bateau ? Complètement idiote. Des milliers de défauts, mais pas ça. Je te pardonnerai jamais. Je t'aimais tellement. Maintenant, c'est impossible. Je te déteste parce que tu n'arrives pas à m'attendrir. Si tu as envie de pleurer. Cette scène est extraordinaire, Hélène Frappa. Il faut imaginer ce que nous avons sous les yeux. Ils sont en train de descendre de cette villa sublime à Capri, la Villa Malaparte, dans les marches qui conduisent vers l'eau. Et ils sont assis sur les marches. Il comprend qu'elle ne l'aime plus et qu'il n'y a pas de retour possible. Elle va s'en aller ensuite en nageant. Et lui... Alors ça, c'est extrêmement difficile de jouer celui qui à la fois est fier et en même temps vient d'avoir le cœur brisé. Alors comment Michel Piccoli s'en sort-il à ce moment-là dans son jeu d'acteur, justement ? Alors je pense que ce que vous disiez tout à l'heure sur la musique qui brise le cœur est d'autant plus juste que dans cette scène, mais aussi bien dans tout au long du Mépris, c'est la musique qui prend en charge l'émotion. De manière générale, Michel Piccoli, comme acteur, dans toute son œuvre d'acteur, particulièrement dans le Mépris, on peut dire qu'il n'est pas tellement du côté de l'émotion, il est plus du côté de la sensation, ce qui est très différent. Et c'est sans doute pour ça qu'il est si difficile d'écrire sur des acteurs, et en particulier, comme vous le faisiez remarquer, de parler des acteurs dans une émission de philosophie, où il est plus simple sans doute de parler d'abstraction. La sensation, c'est le contraire de l'abstraction, et là on est vraiment du côté de quelqu'un qui ressent des choses, mais pas sur le mode de l'émotion et pas sur le mode traditionnel, par exemple, de la scène de ménage qui devrait pleurer, qui aurait tout un rituel, en tout cas occidental, bien connu, qui permet de de se repérer entre deux êtres humains pour savoir où on en est dans une relation, que ce soit en criant, ou bien en pleurant, ou bien etc. À aucun moment, d'ailleurs, ni l'un ni l'autre. Hein. Je le disais, le jeu de Bardot, de ce point de vue-là, Bardot, c'est une pure actrice, au sens où elle produit le type de fascination. C'est aussi bien un monstre, hein, comme Piccoli, s'il faut reprendre la typologie que j'introduisais au départ, la différence entre l'acteur et le monstre. Bardot, c'est une star, donc c'est pas une actrice. C'est un monstre, de ce point de vue-là. Au sens de génie, vous disiez. Hein. Oui, au sens du génie de l'acteur, et au sens... Alors, elle est plus du côté de la star, au sens américain du terme. Elle est plus du côté de la star ou du côté du monstre, c'est-à-dire que ce qu'elle produit, c'est moins de l'admiration, c'est pas du tout de l'identification. On peut pas s'identifier dans le film ni à Bardot ni à Piccoli. Ça, c'est très important pour le spectateur. C'est vrai. Hein. Il y a pas, ça ne marche pas sur l'identification. C'est pas, ah mon Dieu, ça me rappelle quand j'étais en couple et que je me suis engueulée avec mon mec ou avec ma copine et que ça, si ça, j'ai divorcé. Non, jamais, à aucun moment. Il y a une sorte, moi je dirais plus du côté, c'est plus du côté de la peinture. La peinture, au sens où le grand cinéaste Carmelo Bene disait du peintre anglais Bacon que c'était un peintre qui ne peignait que des sensations. On est dans une peinture de la sensation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tellement de couleurs et que les couleurs sont aussi bien des acteurs comme les acteurs. Hein, je pense par exemple au canapé bleu. C'est pour ça qu'on est attrapé par le film. Voilà, on est happé. On est happé exactement comme quand on est dans la rue et que soudain on voit un bébé. Je me souviens de Catherine Deneuve un jour qui disait que quand elle marchait dans la rue et qu'elle rencontrait des bébés, elle pouvait pas s'empêcher de toucher leurs pieds. Je m'étais dit ça, c'est vraiment génial comme anecdote. Parce que c'est exactement ce que Catherine Deneuve fait au spectateur. En réalité, on la voit et on est happé. Elle vous touche le pied. On est fasciné. Il y a quelque chose du côté d'être happé, d'être comme quand on voit un animal. Comme quand on voit un chat. Pourquoi les gens passent des heures à regarder des vidéos de chats ou des vidéos de chiens? Exactement pour la même raison qu'ils vont au cinéma et qu'ils ouvrent la bouche devant Bardot ou devant Piccoli, etc. Il y a quelque chose qui nous happe. C'est pour ça que c'est si difficile. Comment écrire sur un animal? Bon, alors, il y a des très très grands écrivains qui l'ont fait. Des écrivains, moi, que je qualifierais d'impersonnels, justement. C'est-à-dire qui ont su devenir un chat. Bon, par exemple, Colette. Oui, mais Piccoli, vous le disiez, c'est un rocher, c'est pas un animal. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Enfin, je veux dire, si ontologiquement, c'est la même chose. C'est-à-dire que ils font tous les deux partie de deux régimes d'existence qui sont dans l'univers. L'une plus du côté du régime animalité, l'autre plus du côté régime minéral. Donc, ils ne peuvent pas s'entendre de ce point de vue-là. En tout cas, c'est difficile. Évidemment, c'est difficile qu'une pierre soit mariée avec une panthère. On peut bien comprendre ça, que ça peut pas tellement marcher. Quoique, pourquoi pas? Pourquoi une panthère ne pourrait pas s'endormir avec un, oui, sur un rocher? Vous voyez, en réalité, ce que je dis là est idiot. Ça pourrait être une autre histoire. Ça pourrait être un autre film, l'histoire d'amour fou entre un rocher et une panthère. Là, ça marche pas. Ça marche pas, mais encore une fois, il y a rien à quoi on peut s'accrocher habituellement. Sinon, cette musique, qui effectivement nous retourne le cœur et le ventre, hein, les deux, parce qu'il y a quelque chose de totalement organique, évidemment, mais qui fonctionne en dehors de toute identification, comme tous les films, d'ailleurs, dans lesquels Michel Piccoli a joué, et aussi bien Brigitte Bardot. De ce point de vue-là, ils sont absolument analogues. Et est-ce que vous pensez, une dernière question, que le jeu de Piccoli ici se fait en fonction de celui de Bardot, qui à l'époque, elle, est une grande star, lui est à peine connu. Godard le contacte juste avant, trois semaines après, il se met à tourner. Est-ce qu'il adapte son jeu à celui de Bardot ou pas? Il adapte son jeu à la demande plus ou moins secrète, plus ou moins mutique même, hein, puisque Piccoli a raconté la rencontre avec Godard en disant qu'il l'a compris sans aucun mot. Hein. Et je pense qu'une des choses importantes, moi, s'il fallait résumer la fonction qui définit, enfin l'invariant dans ce que j'appelais cette figure de monstre, ouais, de génie ou de monstre qui est Piccoli, je dirais que c'est un acteur muet, Piccoli. Piccoli a toujours été un acteur muet, aussi bien dans ses rôles qui sont des rôles assez muets, assez mutiques, assez impassibles, comme celui par exemple du mépris, que dans ses rôles qui ont l'air d'être l'opposé absolu, qui sont ces rôles où il hurle, où il crie, il est complètement exubérant, où il est dans une bestialité totale, par exemple Les Noces Rouges, par exemple Le Journal d'une Femme de Chambre, etc., par exemple Une Chambre en Ville, etc., etc. Mais dans tous les cas, il a toujours cette fonction de l'œil, de l'observateur, cette fonction que lui délègue finalement... et qui permet, disons, donc, qui donne une place au spectateur, pas à travers l'identification au personnage, mais à travers le fait que le spectateur, du coup, quand il regarde Michel Piccoli, il est dans la position lui-même de l'auteur. Mais alors, Piccoli disait l'acteur doit disparaître. Il se trouve qu'il a joué avec beaucoup de films d'auteurs, hein, de réalisateurs qui pensaient eux-mêmes que le cinéaste devait disparaître. Hein. Mmh. Jacques Rivette disait il n'y a pas d'auteur dans les films. C'est aussi bien ce qu'aurait pu dire Godard. C'est le principe même de la Nouvelle Vague. Hein. Mais il y a cette fonction œil, hein, cette manière d'observer, et le spectateur va regarder à travers le regard de Piccoli, qui est cette fonction que lui délègue le cinéaste. Et il y a quelque chose, son génie, il est là, en fait. Merci beaucoup pour cette dernière parole. Finalement, on va se quitter sur cette phrase-là. Est-ce que son génie est là dans le fait de déléguer le regard à celui du spectateur ou de l'auditeur? Hélène Frappa, c'était un plaisir de parler du Mépris de Piccoli avec vous ce matin. Je vous en remercie. Merci à vous. Et je renvoie à votre dernier roman, hein, Le Dernier Fleuve, paru aux éditions Actes Sud. Et puis, vous avez deux ouvrages, notamment l'un sur Jacques Rivette et l'un sur Roberto Rossellini. Aux éditions des Cahiers du Cinéma, on mettra tout en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Femme, ne refusez point à l'ardeur de vos amants les plaisirs qu'ils sollicitent. La beauté est un bien périssable. Le fer, le caillou s'use, s'amincisse par le frottement. Mais cette partie de vous-même résiste à tout. Et vous n'avez point à craindre pour elle les mêmes effets. Femme, fais attention surtout de ne pas laisser croire à ton amant qu'il n'a point de rival. Sans la rivalité, l'amour ne dure guère. Qu'il voit sur ta couche les traces d'un autre possesseur de tes charmes et sur ta gorge meurtrie les marques de ses caresses. Qu'il voit surtout les dons que t'a fait son rival, que ta langue le charme en lui cachant tes projets. Caresse-le pour mieux le perdre. Le doux miel couvre le poison le plus subtil. Et toi, jeune amant, si tu as à cœur de conserver l'amour de ta maîtresse, fais en sorte qu'elle te croie émerveillée de ses charmes. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, dans la continuité des mouvements antiracistes qui ont suivi la mort de George Floyd, l'actualité a été au statut déboulonné et au film « Autant en emporte le vent » provisoirement retiré du catalogue HBO. Avec cette question, que faut-il faire de ces signes témoignant de notre histoire coloniale, de notre histoire passée? Et c'est vrai, la question se pose. Comment faire face à ce passé aujourd'hui insupportable? Censurer, supprimer ou au contraire conserver, voire célébrer, face au statut décapité ou déboulonné de l'histoire passée, et plus largement face aux œuvres jugées aujourd'hui racistes ou sexistes, comment faire? La question revient régulièrement depuis quelques années et semble parfois réduite à cette seule alternative. Faut-il les faire chuter au risque d'occulter le passé ou faut-il les conserver au risque de les banaliser? Bien sûr, au-delà de cette alternative simpliste, les avis sont généralement plus nuancés. Il ne s'agit ni de supprimer, ni de célébrer, mais d'expliquer, de recontextualiser, de critiquer. Autant le dire tout de suite, c'est aussi mon avis. Mais un argument m'a tout de même interpellée. Celui qui consiste à dire qu'il faut regarder en face le passé, qu'il faut savoir l'affronter. Regarder en face une chose passée, l'idée m'a frappée car... Comment justement regarder en face une chose passée, une chose qui littéralement n'est plus là, ou du moins plus telle qu'elle était alors, telle qu'elle pouvait apparaître et être vue sur le moment? Alors oui, je vois bien l'idée, je comprends ce qui est en jeu, une forme de lucidité, Un rejet du déni, la volonté de tirer du passé une leçon pour le présent et l'avenir, sans dissimulation ni célébration. Mais le problème reste là. Est-il jamais possible de faire face à ce qui nous échappe, de regarder en face ce qui, en retour, ne nous regarde pas, d'affronter ce qui n'est plus, mais ce qui en reste ? Here was the last ever to be seen of knights and their ladies fair, of master and slave. Look for it only in books. For it is no more than a dream remembered. A civilization gone with the wind. Je fais partie de ces gens qui vont dans les musées sans jamais lire les notices, qui sont fatigués à l'idée d'en passer par des préfaces et des appareils critiques, et qui se passent volontiers des bonus dans les DVD. Pour le coup, les œuvres, je les vois bien en face, sans détour, souvent au risque, je le reconnais, de passer complètement et paradoxalement à côté. Certes, ça m'arrive de lire ce qui entoure l'œuvre, quand celle-ci m'a plu, ou quand une chose semble m'échapper, mais pour ce coup-là, je n'ai plus l'impression de la regarder en face, mais d'être avec elle, voir en elle, d'être en son cœur et de substituer à la spontanéité du regard, de face, la déconstruction de la réflexion. Mais en ce qui concerne le regard de face, voilà ce qu'il veut dire pour moi. Il relève soit de l'éblouissement, soit de l'illumination. Quoi qu'on en dise, le passé reste, de face, une matière en partie inaccessible. Il faudrait se mettre à la place, mais pas seulement en face pour comprendre intimement une situation, celle d'une femme au XIXe siècle, ou l'horreur de l'esclavage, pour comprendre ce qu'un autre que moi voit quand il regarde une chose en face, ce qu'on peut ressentir quand on est discriminé, face à autant on emporte le vent ou une statue de Christophe Colomb. Mais quand on ne peut pas prétendre se mettre à la place, faut-il alors se contenter de ce regard en face, de ce regard en façade ? Qu'il se passe, et c'est le drame, regarder en face ne sera jamais se mettre à la place et ne sera jamais voir, sans erreur, sans errance, totalement, parfaitement et objectivement. Il restera malgré tout quelque chose d'opaque. Et c'est cette idée de lisibilité du passé, forcément égale, forcément donnée ou explicable, qui me dépasse. Serait-il possible d'accepter que du passé, on ne pourra rien changer, ni supprimer, ni excuser, ni tout voir, ni tout expliquer ? C'est là le problème essentiel selon moi. Est-il possible d'accepter que l'histoire passée a foncièrement quelque chose d'inacceptable ? Inacceptable parce qu'inimaginable aujourd'hui, parce qu'innégable, inexcusable, inexplicable, mais aussi inacceptable parce qu'il y a là tout ce qui est insupportable. L'irréversibilité du temps, la bêtise et l'impuissance des hommes, l'immoralité du passé. Quand regarder en face semble l'argument phare, quand ce serait là la clé de la lucidité et la voie de la sagesse, j'y vois au contraire un fantasme, celui qui ouvre précisément la voie à casser ou à valider sans sourciller ces traces du passé. C'est un comble, mais regarder en face implique aussi de fermer les yeux sur soi, d'être aveugle sur ce qu'on pense pouvoir affronter ou pas. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer ces émissions. Aujourd'hui, Isis Jourda avec Manon Delasselle, Clara de Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert. C'est Nicolas Berger qui réalise cette semaine autour de Michel Piccoli pour vous. Inès De Bruyne qui a la prise de son toujours pour vous. Merci au CDM de Radio France qui a assuré la liaison et ainsi permis cette émission. On se retrouve demain pour la suite de cette série autour de Piccoli. Demain, ce sera Ntebin qui viendra parler des choses de la vie de Claude Sautet. Et oui, vous aurez à nouveau le cœur brisé. D'ici là, sachez que vous pouvez, comme toujours, et peut-être même plus que jamais, télécharger cette émission, la podcaster pour l'écouter au moment de la journée que vous choisirez. Et sachez également que l'équipe des Chemins vous attend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. On est toujours ravis de lire vos remarques et vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h, donc nous on sera là. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.